boudin. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on n'a rien à branler. Vive l'anarchie. Toutes les images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville pour lui pâté de maison comme un vieux livre. C'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dieu si vous nous rejoignez en ce lundi 3 novembre ou peut-être bien mardi 4 novembre d'ailleurs. En tout cas, un début de semaine, un nouveau mois qui s'ouvre d'ailleurs pour l'info et l'actu locale. Des mots, des sens sensibles, bien aux commandes pour ce jour et ce programme qui va déborder quelque peu de son horaire habituel imparti. En effet, un programme assez chargé, 2-3 infos à vous faire part, mais surtout l'occasion aujourd'hui de vous proposer en diffusion eh bien, une table ronde que j'avais le plaisir d'animer il y a quelques jours de cela. C'était le 16 octobre dernier au Méliès Saint-François. Le film Le Vivant qui se défend était projeté et présenté en présence de son réalisateur Vincent Verzat. Vous connaissez peut-être son travail au sein de sa chaîne Partager c'est sympa. Eh bien, il était invité à Saint-Étienne par Tatou Juste, le rendez-vous de la transition écologique, qui fête ses 20 ans cette année. Le rendez-vous aura lieu les 22 et 23 novembre prochains au Parc Expo à Saint-Étienne. Dio sera de la partie comme habitude en direct durant tout le week-end de ces 22 et 23 novembre prochains. Et à l'occasion de ces 20 ans, Tatou Juste propose une série d'événements depuis début octobre dernier. Et on aura l'occasion de le rappeler jusqu'à d'ailleurs début décembre prochain. En tout cas, cet événement faisait partie de ces rendez-vous anniversaires le 16 octobre dernier. Une table ronde en présence du réalisateur Vincent Verzat. Le film sort d'ailleurs sur sa chaîne le 6 novembre, l'occasion de faire le petit rappel de cette actualité. Et puis surtout une projection et rencontre table ronde qui se faisait en présence d'associations, organisations, en tout cas de luttes locales, avec la lutte des sucs, la Ligue de protection des oiseaux, Cesse Goudron ou encore Extinction Rébellion. Eh bien, ce sera l'occasion de retrouver de très larges extraits donc de ces échanges et de cette table ronde du 16 octobre dernier pour mieux vous annoncer ce rendez-vous Tatou Juste des 22 et 23 novembre prochains. Ce sera donc l'essentiel menu contenu de ce programme aujourd'hui, tout en transition écologique, alors qu'en début de ce mois de novembre aussi, un autre événement international, celui-ci, vous le savez sans doute, la COP30 va s'ouvrir cette fin de semaine, puisque ce sera du 6 au 21 novembre prochain à Belém, au Brésil. Voilà pour donc l'essentiel de ce programme aujourd'hui, des mots, des sons sensibles, spécial Tatou Juste, avec une diffusion, rediffusion croisée en ce début de semaine. Vous retrouverez cette émission, vous retrouvez cette émission peut-être bien même ce lundi, donc en direct 12-13h, rediffusion ce mardi 4 novembre 8h et en rediffusion à 19h. Ces diffusions sont croisées avec l'autre programme d'actu local du jour, avec Clémence qui va donc nous vous accompagner jusqu'à cette fin d'année. On a fait de larges présentations semaine dernière et c'est un programme spécial SISM, les semaines d'information sur la santé mentale, que Clémence a pu réaliser il y a peu sur le nord du département dans le cadre de cet événement d'octobre dernier. Rediffusion et diffusion ce lundi 3 novembre 19h, ce mardi 4 à 12h ainsi que ce mercredi 5 dès 8h. Vous avez tous les rendez-vous et les contenus infos donc de ce début de semaine sur le 895 de Dio. Des mots, des sons sensibles s'ouvrent pour ce programme du jour, et bien avec nos actualités et nos partenariats Ferrarock chaque semaine. Alors une petite entorse à la règle, je vous explique la raison qui est toute simple. C'est tout simplement un partenariat passé pour un partenariat à venir, un partenariat album passé pour un partenariat concert à venir. En tout cas, vous allez sur le site ferrarock.org pour retrouver les découvertes cette semaine. Il y a Alice Ferns pour l'album Symphonie publicitaire sous influence, sorti chez Moffland. Il y a une sortie Howling Banana Records avec The Big ID, Half a Dozen. Et pour le partenariat passé, je vous explique un peu plus en détail et plus précisément, c'est les Liminianas qui étaient en partenariat et en découverte au mois de mars dernier. Alors on fait un petit flashback pour la sortie de ce dernier album des Liminianas, le duo, qui est maintenant, existe depuis 2009. Le duo, Marie et Lionel, ont sorti ce dernier album en date, donc en mars dernier, chez Because Music, toujours. C'était le 21 février, plus précisément, l'album Faded, qui est composé comme ça d'une dizaine de titres. Allez, un peu plus, 13 pour être précis, avec pas mal de collaborations, toujours. Bertrand Belin, Anna Jean, Penny, John Spencer, et oui, du Blues Explosion sur deux titres, ainsi que Pascal Comlad, grand invité aussi et infidèle depuis de longues années maintenant. Et puis tout simplement, The Liminianas défend l'album sur scène depuis de longs mois maintenant. Et ils seront à Saint-Étienne, salle Le Fil, ce jeudi 6 novembre. Donc voilà, c'est l'occasion de revenir sur ce partenariat album passé. The Liminianas plus Cafard Palace. Cafard Palace, c'est un duo plutôt blues-punk qui a sorti un maxi EP il y a 2-3 ans de cela, La Dent du Mammouth. Et ils ont ce duo guitare, batterie, déjà sévit au sein de multiples projets, The Daggies, pour Thomas, Arthur, batteur au sein des Barrio Populo ou encore accompagnant Luis Mezzasoma pour exemple. Bref, voilà une formation locale en première partie, ou en tout cas en affiche partagée, donc de ce 6 novembre, jeudi, salle Le Fil avec The Liminianas. Pour ce concert, nous avons des places à vous proposer, donc n'hésitez pas à nous contacter. Au bout du fil, le téléphone de Dio, c'est le 04 77 438 895. N'hésitez pas à laisser un message et vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. Ou au bout du clic, ça se passe via mail et le contact suivant, redac@radiodio.org. On en profite pour écouter les Liminianas avec la voix de Sylvia pour accompagner le duo pour cette reprise de Françoise Hardy. Oui, on a connu les Liminianas dans ses références yéyé. Et bien alors là, c'est pur jus, je pourrais dire ainsi, pour cette reprise de Françoise Hardy. Où va la chance? Bienvenue aussi via ce jeu concours que je viens de lancer. Bonne chance à vous donc. Où va la chance? Les Liminianas, reprise de Françoise Hardy, des mots des sens sensibles. C'est parti. Il pleure sa vie. Où va la chance, reprise de Françoise Hardy par le duo Veliminianas. Avez-vous tenté votre chance justement pour gagner votre place pour ce concert du duo Veliminianas et Cafard Palace ce jeudi 6 novembre, salle Le Fil, je vous le répète, à Saint-Étienne. N'hésitez pas à nous contacter et gagner ainsi votre place. Veliminianas, l'album Fade, il est sorti le 21 février dernier chez Because Music, toujours disponible bien sûr, et donc en concert cette semaine à Saint-Étienne dans le cadre de leur tournée actuelle pour les découvertes et partenariats Ferrarock, là aussi actualisé. Et bien sûr, cette semaine jusqu'à ce 9 novembre, je vous l'ai dit, Alice Ferns ou encore The Big ID. N'hésitez pas à aller consulter le site ferrarock.org ou écouter bien sûr notre programme Dig Dig Diggers à retrouver désormais chaque jeudi 19h, vendredi 12h et le lundi en matinale dès 8h. Allez, profitez que vous pouvez encore écouter la radio, parce que vous le savez, les radios associatives locales sont menacées. Plus de 770 radios libres menacées avec ce véritable budget du silence. Ce FSER en danger, on vous en a parlé, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, le gouvernement qui veut faire taire nos territoires avec une coupe franche à nouveau budgétaire annoncée il y a peu, je vous en ai parlé. C'était déjà le cas en 2024, alors c'est un peu le retour en cet automne 2025 de notre rubrique projet de loi de finances 2026 qui veut la mort des radios associatives, une roulette budgétaire avec le pluralisme médiatique. On ne se taira pas, non, absolument pas. Il y a eu une rencontre via nos syndicats représentants, en tout cas nationaux, le CNRA ou SNRL, le 21 octobre dernier. Alors le cabinet de la ministre avait indiqué ne pas s'opposer aux amendements favorables au rétablissement de ce fonds de soutien à l'expression radiophonique. La pression a été maintenue envers les parlementaires. Et puis, eh bien, cela a peut-être bien payé, entre guillemets. La semaine dernière était chargée en termes de audition, discussion, commission des affaires culturelles, semaine dernière, notamment avec bien sûr la ministre de la Culture, mais aussi les rapporteurs et orateurs des différents groupes politiques pour ces crédits d'émission culture, médias, livres et industries culturelles et avance à l'audiovisuel public. Vous savez qu'aujourd'hui, ce 3 novembre, c'est la dernière journée ou presque de ce volet recette de ce projet de loi de finances 2026, avec des milliers d'amendements, ce qui sans doute devrait aussi exploser l'ordre du jour, en tout cas l'agenda prévu. En tout cas, on a appris une plutôt bonne nouvelle donc fin de semaine dernière, puisque à l'issue de cette commission des affaires culturelles de l'éducation de l'Assemblée nationale a été adopté cet amendement pour maintenir ce fonds de soutien à l'expression radiophonique à son niveau de 2024, c'est-à-dire près de 38 millions d'euros. Alors bien sûr, il s'agit de remercier l'ensemble des députés des différentes circonscriptions et régions. On pense à ceux, celles de la Loire bien entendu, qui ont très largement soutenu notre combat, et notamment en commission, une première étape encourageante vers la survie des radios associatives. Mais voilà, le chemin de l'adoption de ce budget est encore long, avec de nouvelles étapes déterminantes. Et donc, il s'agit pour nous de rester très à la fois vigilants, mais aussi mobilisés. Je parle de nous, les radios associatives, bien entendu. Moins de moyens, c'est moins de voix, c'est moins de démocratie. Projet de loi de finances 2026 qui veut la mort des radios associatives, rubrique ou en tout cas affaire à suivre sans nul doute. Une dominante écologie dans ce programme des mots des sens sensibles aujourd'hui. Alors je voulais juste, puisque nous allons parler de Tatou Juste justement, des 22 et 23 novembre prochains, très largement parler dans ce programme à l'occasion de ses 20 ans et de ce prochain rendez-vous au Parc Expo à Saint-Étienne, avec Dio qui sera bien sûr mobilisé et qui mutualise un plateau radio en direct durant tout le rendez-vous de la transition écologique, tout le salon avec Radio Ondaine, notre cousine voisine de Londaine précisément. vous annoncez, eh bien, puisque ce sera les 22 et 23 novembre, le week-end précédent, eh bien, un autre événement partenaire, le 15 novembre prochain, c'est le retour du forum Partageau. Vous savez, le collectif Partageau, qui est un collectif d'associations et de citoyens et citoyennes qui, depuis 2022, s'engage pour la question du partage de l'eau et de ses usages, en tout cas dans le département, via des actions de sensibilisation, des ateliers participatifs, et qui organise de façon annuelle un forum départemental. Eh bien, le forum 2025 aura lieu le samedi 15 novembre prochain, de 9 à 17 heures. Toujours pour, bien entendu, réfléchir et échanger sur l'eau, ce bien commun qui est un véritable sujet citoyen et une véritable problématique écologique actuelle et en devenir pour sûr. Une journée en diverses interventions, intervenants, intervenantes et tables rondes. Je vous en cite les trois essentiels. Experts, élus, usagers, citoyens, qui décident? Quelle agriculture demain en considérant l'eau comme bien commun? Ou encore, quel choix pour la ressource stockée, partagée, économisée, laissée s'écouler, de vastes questions posées le seront lors de cette journée de ce forum départemental Partageau que nous allons bien entendu suivre et couvrir avec la captation notamment de ces tables rondes qu'on vous proposera ultérieurement en rediffusion sur nos ondes, des tables rondes qui seront notamment animées par Nelly Ponce que l'on avait justement rencontré lors du Tatou Juste il y a quelques temps sur la question de la pollution plastique mais qui est aussi autrice d'un livre récent qui s'intitule Le Grand Épuisement et qui est donc conférencière et médiatrice sur les sujets d'écologie et de société. Le forum départemental Partageau, c'est le 15 novembre de 9h à 17h à Andrézieux-Boutéon, salle des Bulieux, située 22 rue des Bulieux à Andrézieux. Donc c'est un événement gratuit, mais vous pouvez vous inscrire en vous rendant notamment sur forum Partageau 42 sur helloasso.com. Voilà, vous aurez toutes les infos nécessaires à ce rendez-vous du 15 novembre prochain autour de ce forum départemental Partageau 42. La question de l'eau, mais pas seulement en problématiques écologiques, qui vont être abordées à nouveau lors du Tatou Juste, rendez-vous de la transition écologique, les 22 et 23 novembre prochains au Parc Expo à Saint-Étienne. L'association Tatou Juste fête ses 20 bougies. Un événement qui va être bien entendu fêté ce week-end-là avec toujours des centaines d'exposants, 220 exposants, producteurs, artisans, entreprises et autres initiatives, associations locales pour engager, échanger, soutenir des animations, des espaces troc, des espaces radio. Bien entendu, nous serons en direct ce week-end-là. Et puis des conférences nombreuses durant tout le week-end. On aura l'occasion de rentrer prochainement plus en détail sur la programmation de ce Tatou Juste. Et puis à l'occasion de ces 20 ans, eh bien, des événements anniversaires. Cela a commencé le 2 octobre dernier avec une soirée festive de lancement à la brasserie stéphanoise pour fêter la dernière bière conçue par la brasserie stéphanoise et la farlaudoise, la Tatoubu 2025. Il y avait à la fin le Colibri et les Meurs, un spectacle proposé par la compagnie La Tranchante. C'était le 31 octobre, donc vendredi dernier à la Comète à Saint-Étienne. Cela a fait l'objet et va faire l'objet d'un podcast radio réalisé avec la MJC des Tilleuls pour Radio Tilleuls que vous retrouverez en diffusion sur ces ondes dans le programme Sajakas du samedi matin et également durant le Tatou Juste prochain quand nous serons en direct donc du Parc Expo les 22 et 23 novembre prochains. Et puis un autre quatrième et dernier rendez-vous anniversaire est prévu, ce sera après le salon le 4 décembre à l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne, une conférence sur l'entraide en temps de crise, une nécessité avec Pablo Sévigne en collaboration avec la Fabrique de la Transition. Mais revenons sur un de ces événements anniversaires passés, c'était le 16 octobre dernier, au Méliès Saint-François. Tatou Juste ainsi que Extinction Rébellion et Radio Dio proposaient cette soirée projection débat autour du film Le Vivant qui se défend, un film de Vincent Verzat, qu'il a réalisé à l'issue de 4 années de mobilisation écologique et de rencontres naturalistes. Vincent Verzat, réalisateur, était donc présent pour cette soirée projection rencontre qui a été envisagée aussi sous forme de table ronde avec l'occasion de mettre aussi en avant les luttes et les mobilisations locales C'était donc le cas, vous allez l'entendre, avec la présence de la Lutte des Sucs, de la Ligue de protection des oiseaux, de Cesse Goudron. Il s'agit du Comité Environnement, Santé, Sécurité et Éducation pour un projet, vous allez l'entendre, de centrale bitume sur le département. Et puis donc Extinction Rébellion qui était également présent. L'occasion eh bien, de vous proposer cette rencontre, sorte de table ronde, que nous avons, alors que j'ai animé d'une part et que j'ai pu enregistrer. Merci le Méliès Saint-François et qu'on vous propose aujourd'hui en rediffusion. À l'occasion, certes, de Tatou Juste des 22 et 23 novembre prochains, mais aussi à l'occasion de la sortie précisément du Vivant qui se défend. Ce film qui était présenté dans de nombreux cinémas, de nombreuses salles françaises et au-delà d'ailleurs, en avant-première, puisque c'est le principe d'avant-première qui s'est opéré pour cette réalisation, qui sort sur la plateforme ou la chaîne YouTube de Vincent Verza, Partagé, c'est sympa, et qui sort ce 6 novembre précisément. Bon nombre de rendez-vous qui vont justement vous être rappelés durant cette rencontre table ronde, dont encore ce 8 novembre, une action autour de la ligne ferroviaire entre Clermont et Saint-Étienne. Il s'agit de cette ligne Saint-Étienne-Clermont que vous connaissez peut-être par l'assaut le train 63-42-69. Une asso qui organise un chantier de débroussaillage, de nettoyage, d'entretien de cette ligne ce samedi 8 novembre avec une prise de parole publique qui aura lieu à partir de 10h sur place pour présenter les enjeux de la réouverture de la ligne et les actions menées par les collectifs et puis donc le chantier en tant que tel. Toute cette journée de ce 8 novembre, ça se passe du côté bien sûr de Noiré-Table. On écoute cette table ronde du 16 octobre dernier, Le Vivant qui se défend sur le 895 de Dio. En vous souhaitant eh bien, une bonne fin d'émission, bonne écoute. Merci pour ce petit temps d'échange qui va se poursuivre. Alors on a pris un peu de retard avec le monde présent ce soir. C'est toujours avec grand plaisir que de retrouver cette belle salle. Quasi pleine. Merci à Tatou Juste, merci à Vincent, merci également au collectif que j'invite à nous rejoindre ici, je dirais au plateau parce que je parle radio forcément. Je précise simplement que je représente du coup Radio Dio qui va quelque peu animer ce débat ou cette rencontre et que la rencontre est enregistrée dans l'intention et l'idée de sans doute diffuser ensuite ce petit temps d'échange et de rencontre avec nos différents invités. Ils vont se présenter. C'est déjà avec plaisir d'avoir retrouvé ce film. Tu l'as dit, Vincent, tout à l'heure, 282e avant-première. On va en reparler. C'était 370 avant-premières prévues. C'est énorme. Avec plus de 26 000 spectateurs, spectatrices pour cette tournée qui est quasi entièrement autogérée, autodistribuée. C'est quand même une sacrée belle performance. Avant la sortie officielle qui est prévue le 6 novembre, on en reparlera sans doute tout à l'heure. L'idée est vraiment de faire un petit temps, alors c'était annoncé table ronde, il s'agira plutôt d'un tour de table, puisque c'est aussi un peu le principe. Et on l'a vu exprimé au travers de ce très beau film. On a un peu vécu le grand 8 émotionnel, hein, quand même, entre colère, tristesse, joie, humour, désolation, enthousiasme, contemplation. Mais en tout cas, qui, comme ça, nous permet de naviguer dans l'ensemble de ces luttes que tu as eu l'occasion de suivre. On aura l'occasion d'en reparler. Et là, l'idée était aussi de donner un peu la parole. D'abord, vous donner la parole, c'est ce qui va aussi constituer l'essentiel de ce temps d'échange. Et puis la parole aux luttes locales, finalement. Donc on a plusieurs ici représentants, représentantes de divers collectifs. Je vais vous laisser vous emparer d'un micro. L'idée est de vous donner, de faire vraiment, oui, tour de table, c'est-à-dire 5 minutes à peu près de présentation, quasi carte blanche, hein, d'exprimer ce que vous avez envie aussi et souhaité exprimer. Mais en tout cas de vous présenter. Alors on va commencer peut-être par la plus jeune organisation ici présente, si je ne me trompe, ce n'était pas forcément l'idée, mais je vais prendre dans l'ordre un petit peu de ma préparation, avec, je crois que c'est pour Extinction Rébellion, Marin, qui est ici présent. Je vais te laisser t'emparer d'un micro. Bonsoir déjà, et merci d'être là. Bonsoir, merci à vous, très bien. Oui, je disais plus jeune organisation, peut-être, mais tu vas nous préciser tout ça. Justement, je pensais pas du tout que je serais désigné pour présenter la Que tu allais ouvrir un petit peu les hostilités. J'avoue que je ne pensais pas. Très bien, donc Marin, je représente le groupe d'Extinction Rébellion à Saint-Étienne. Pour donner un ordre d'idée, Extinction Rébellion, donc c'est une organisation qui est aujourd'hui nationale, et le mouvement est né en Angleterre en 2018. Je vous fais la présentation courte, du coup, vu qu'on a que 5 minutes. On prône la désobéissance civile non violente, ou DCNV, pour lutter contre l'effondrement écologique. Donc le groupe de Saint-Étienne, en ce moment, il est un petit peu au repos. On ne va pas se le cacher. On manque un petit peu de monde, mais voilà, on tient le coup, par contre, on continue l'organisation. Donc nous, on organise nos propres actions, et on voit aussi, on participe aussi aux luttes locales, et on organise aussi d'autres événements comme la projection du film ici ce soir, dont on a participé. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, on fait de la sensibilisation. Le groupe local de Saint-Étienne, il date pas de 2018, il date de 2020 environ. Il y a eu des actions de communication dans les trams pour évoquer le désastre écologique engendré par l'aviation. On a eu un coup de mou pendant le Covid, comme beaucoup d'organisations. Et ensuite, on a repris environ vers 2022. Et on a organisé plusieurs actions, plusieurs types d'actions, beaucoup d'antipubs. On organise beaucoup d'antipubs à Saint-Étienne. On a fait une guérilla gardening, donc du plantage d'arbustes autour de la boucle verte. La boucle verte, c'est un circuit connu à Saint-Étienne de balades. Plus récemment, on a fait une action pour le Black Friday. Et une action à style qui a pas mal fonctionné, ainsi qu'un calendrier de l'avant qu'il ne soit trop tard, dont le principe c'était de faire une petite action chaque jour jusqu'à Noël en l'occurrence. Et voilà. Et sinon, on a aussi participé à quelques luttes locales, donc notamment la lutte des sucs en Haute-Loire contre la RN 82. Si je dis pas de bêtises, 88, dont on va reparler puisqu'ils sont ici présents. Merci. Les méga-bassines dans le Puy-de-Dôme. Et récemment, on a fait une action en alliance avec Train 62-49. Train 63-42-69, c'est toujours difficile à dire. Qui traverse les trois départements. Oui. Et voilà. Et on en organise une prochaine bientôt. On a des petits flyers et voilà. Ils sont à l'entrée, vous pourrez regarder. Oui, c'est la ligne ferroviaire entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, et vous menez une action de chantier en fait, qui c'est pas la première. Hein, vous aviez déjà assuré une opération du même type l'année dernière pour la réouverture finalement de cette ligne. C'est donc c'est prévu le 8 novembre prochain à Noirétable, toute la journée à partir de 9h30. C'est exactement ça. Merci. Vous avez plus d'infos en effet sur cette association Le Train 63-42-69.org qui donnera toutes les infos aussi concernant ce projet. Et puis il me semble avoir vu une action surprise, la potion magique. Alors vous associez au Black Friday, le calendrier de l'Avent, il y a aussi Halloween qui se profile fin octobre. J'ai vu ça, qu'une soirée ou action potion magique était prévue. C'est une opération nationale, mais avec une action régionale prévue le 31 octobre également. Oui, alors c'est vrai qu'on est lié au national, mais les groupes locaux sont assez indépendants des uns des autres, et du coup on n'est pas obligé de participer à l'action. En fait, voilà, l'Extinction Rébellion est très libre dans son organisation, même si on a beaucoup de moyens de communication. Donc c'est deux points qui nous permettent d'avoir à la fois une liberté et une force d'action. Et en l'occurrence, je connais pas les détails de cette action. Et puis il y a des surprises, donc de toute façon il faut aller aussi chercher l'info. Mais alors justement, en termes de communication, où peut-on se tourner ou vers quel peut-être médium possible pour avoir les infos sur Extinction Rébellion? Alors on a un site internet, extinctionrébellionenfrance.fr. Ok. Voilà. Sinon, on a une page Instagram et je pense que tout est oui, ici. Oui, c'est affiché ici, en effet. C'est plus simple. Et puis alors, je voulais préciser que vous avez assuré pour cette soirée une sorte de référencement un peu des luttes locales avec une carte ou cartographie qu'on peut retrouver qui est située à l'entrée. Et donc, vous avez recensé, alors je crois qu'il y a à peu près une quinzaine de luttes locales. Peut-être tu veux nous dire quelques mots quand même sur ce petit travail là de référencement et ressources que vous avez assuré? Alors le référencement, j'en étais pas chargé, donc okay. Mais il est lié à, je sais pas si quelqu'un veut peut-être me filer un coup de main. Il est pas seulement organisé par nous, il vient d'un site qui organise le référencement des luttes locales. Okay. Et on a regardé dessus et on a récupéré les informations. En tout cas, vous pouvez les retrouver, donc, ou la retrouver, hein, cette cartographie à l'entrée, avec ces luttes locales listées. Et puis, vous pouvez également vous inscrire si vous souhaitez justement suivre les informations, les luttes de l'ensemble un petit peu de ces collectifs et de ces actions. Merci, Marin. Vous pourrez poser aussi des questions à Marin Extinction Rébellion, également ensuite. On va poursuivre avec Simon, qui est juste ici à ta gauche, pour une autre organisation, alors qui existe là un peu plus ancienne dans le temps concernant cette lutte, d'après ce que j'ai un petit peu retrouvé comme information, puisque depuis 10 ans à peu près existe ce projet et cette lutte dans la région du nord du département, en tout cas nord de Saint-Étienne, c'est le CES Goudron, le collectif Bol d'Oxygène que tu représentes. CES qui signifie Comité Environnement, Santé, Sécurité et Éducation. Alors est-ce que tu peux nous présenter l'association, sa raison d'être, surtout, et voilà pour quelles raisons elle existe et elle lutte et agit effectivement sur ce secteur du forêt. Alors c'est une association qui s'est montée pour lutter contre un projet de centrale à bitume, donc un double projet de concassage et de production de bitume pour l'enrobage à chaud des routes. Et le projet, il est prévu donc à Boin-sur-Lignon, à Chambaillard. Ça cumule plusieurs problématiques. C'est à côté de l'EHPAD, de la cité scolaire, c'est sur une zone humide, en dessus de la zone Natura 2000, en dessus de la chaîne des étangs du forêt. C'est une industrie d'un autre âge. On va dire que c'est tout faux. Même pour ceux que ça intéresse économiquement, c'est nul parce qu'il n'y a pas d'emploi sur ce genre d'entreprise. Depuis 2016, il y a le projet qui existe, qui a eu une autorisation préfectorale qui a été donnée malgré tous les avis négatifs autant de l'agence régionale de santé et de la MRAE, de l'agence environnementale. Mais le préfet, il a donné son accord en dépit de ces avis. Et depuis, on est en lutte juridique, d'abord contre cette autorisation d'exploiter. Là, on a tout perdu. Et maintenant, on continue d'attaquer sur des points plus, on va dire, pointilleux, quoi. On cherche à empêcher ça comme c'est possible, donc sur des questions d'urbanisme et d'essayer d'empêcher aussi la vente des terrains qui ne sont toujours pas vendus. Alors que maintenant le règlement de zone a changé et cette zone est interdite aux ICPE, ce genre d'industrie. Mais on a beaucoup de problèmes avec la politique locale, Loire-Faux. ICPE, Simon, juste pour les acronymes. Les installations classées pour l'environnement. Contre, en fait. Et c'est un espèce de magma bizarre avec la politique locale. où maintenant que le préfet a donné son autorisation, les décisions se prennent beaucoup à Loire-Forêt agglomération, et c'est très très obscur. Le président a la main mise sur tous les votes. Beaucoup de maires se plaignent de chantage aux subventions, et donc on a un énorme travail d'information des élus qui peuvent voter pour essayer de faire avancer la chose et de stopper ce projet. Appui politique, puisque aussi les élus locaux étaient plutôt bien placés pour sénateur en l'occurrence, pour faire avancer le dossier, quoi, forcément. Ça joue. Alors juste, parce que là ça fait 10 ans, tu dis les recours juridiques n'ont pas abouti. C'était l'année dernière, il me semble, 2023-2024. Mais ça veut dire aujourd'hui, l'usine n'est toujours pas ouverte, mais on en est où, enfin, c'en est où finalement le projet d'ouverture, d'installation même? Alors aujourd'hui, l'entrepreneur a tout ce qu'il faut pour commencer. On ne sait pas trop ce qu'il attend. Jusque-là, il attendait une modification du PLU qui autorisait un deuxième accès sur cette zone. Donc deuxième accès qui a été fait, mais bien sûr pas pour l'entrepreneur. C'était pour agrandir la zone qui finalement est une zone humide et ne peut pas être agrandie. Et là, en ce moment, l'entrepreneur a fait des prélèvements sur le site. Ça a l'air l'ouvrier qui était sur le terrain disait que c'était pour voir au niveau de la dalle. Donc voilà, on est attentif à l'ordre du jour à Loire-Forêt agglomération pour voir quand est-ce que ça va se vendre, et on est attentif à ce qui se passe sur le terrain, tout en étant assez mal armé pour se mettre devant des tractopelles. Il n'y a pas d'arbres sur le terrain sur lequel on pourrait monter. L'idée de faire des tours, c'est pas idiot. S'il y a quelqu'un dans la salle qui s'y connaît un peu en organisation pour empêcher des travaux de façon tout à fait légale, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, disons que là, en fait, pour vous, après ces recours juridiques, et on voit qu'il finalement reste sans issue, l'idée est de passer à une action finalement un peu plus radicale, forcément, et de blocus, en tout cas, ou de blocage, pacifiste certes, mais ça serait le seul possible. Mais pour ce, il faut aussi les moyens, l'énergie. C'est un peu le sens de Cesse Goudron, en tout cas de ce que tu exprimes là, en faisant appel aux bonnes volontés. Ok, merci. Et on va poursuivre ce tour de table avec la troisième organisation présente ici, la Ligue de protection des oiseaux. C'est Jean-Baptiste, si je ne me trompe, est-ce que le micro est ouvert? Oui, bonsoir. Ben bonsoir. La Ligue de protection des oiseaux, parce que d'abord, il faut le préciser, vous êtes partenaire aussi du film de Vincent Verza, l'organisation nationale. Alors les oiseaux. Alors les oiseaux. On peut s'interroger, se dire tiens, mais même si on l'a vu au travers du film, forcément, que cet aspect-là a sa place dans l'approche naturaliste que propose le film. Mais quelle serait vous votre posture, position aussi finalement en tant qu'association, ligue de protection des oiseaux, au travers aussi justement de ces différentes luttes aussi présentes ici. Alors, excusez-moi, donc la LPO, c'est une vieille dame qui s'est définie tout d'abord, mais c'était au début du XXe siècle, comme la Ligue de protection des oiseaux, parce que à cette époque-là, il y avait une habitude qui avait été prise par certaines personnes de tirer sur tout ce qui bougeait, et notamment les oiseaux, au point tel que ça en choquait, que ça a commencé à choquer certaines personnes qui ont fini par mettre en place cette organisation pour défendre la cause des oiseaux, avant tout la cause des oiseaux, mais petit à petit, évidemment, on s'est rendu compte que quand on défendait la cause des oiseaux, on essayait quand même avant tout de défendre la cause du vivant, et la cause du vivant dans sa globalité. Alors aujourd'hui, on est les héritiers de cette histoire, alors bien entendu, on ne va pas remettre ça en question, mais c'est vrai qu'on est plus la LPO, association de protection de la nature, plus que des oiseaux en réalité. Mais les oiseaux, c'est quand même un axe important pour nous, parce que c'est quelque chose qui était important dans ce film et qui est sur une casquette. Il y a la notion de partage. Et les oiseaux, c'est la première chose qu'on voit dans la nature. C'est peut-être une des choses les plus faciles à trouver quand on débute. Une des choses les plus faciles à voir, un des premiers contacts qu'on peut avoir avec le vivant, c'est les oiseaux. Un des premiers émerveillements. Et ce qui est très important, une fois qu'on s'émerveille, c'est effectivement le partage. Partager sur les oiseaux, c'est partager sur la nature. Et c'est la première approche, la plus facile à mettre en place, peut-être. Celle qui parle peut-être au plus de monde. Et c'est aussi une des vocations de la LPO de parler au plus de monde possible, parce que c'est une association de partage, de diffusion de la connaissance, de diffusion aussi de l'émerveillement. Et c'est cette vocation-là qui nous anime globalement. Tu disais l'oiseau est peut-être ce qui saute aux yeux, de façon comme ça un peu évidente, mais j'allais dire quand il y en a encore. Et c'est aussi, il me semble, un bon indicateur, peut-être aussi de la bonne santé du vivant, justement, et de la biodiversité. Et je sais que vous assurez très régulièrement des comptages, par exemple, dans différents milieux, les jardins et autres. Et on voit qu'il y a des menaces qui pèsent sur les milieux naturels, et notamment, en tout cas, sur les oiseaux, de manière générale, qui disparaissent petit à petit, quand même, et progressivement. Alors, une des missions de la LPO, c'est justement de faire des inventaires, de faire de la recherche, de comptabiliser, d'observer ce qui se passe. Une des obsessions de la LPO, c'est d'inventorier la nature autour de nous et de voir son évolution. C'est un travail qui consiste à compter, par exemple, les oiseaux, revenir au même endroit, les recompter, et en compter chaque année un peu moins, et l'année d'après encore un peu moins, d'en faire état, et d'essayer d'alerter sur le fait que c'est important, que ce qu'on voit aujourd'hui et qui semble être le monde du vivant apparaîtrait aux yeux de nos ancêtres comme un désert. Et ce désert dans lequel nous vivons, il ne faudrait pas le transmettre. C'est pas ça qu'il faut transmettre à nos enfants. Et ce qu'il faut transmettre, c'est la possibilité d'un retour vers une vie foisonnante, un univers naturel autour de nous, dans lequel nous sommes inclus, dont nous faisons partie, et que nous pourrions peut-être apprendre à observer, à voir, effectivement, que nous pourrions apprendre à rencontrer, et de ce fait-là, peut-être, éventuellement, lui permettre de reprendre de la vigueur et reprendre la place qui peut-être lui est due. D'accord. On va poursuivre ce tour de table avec bien la dernière organisation ici présente et dernière invitée, Nathalie, qui est avec nous. Bonsoir. Alors justement, je me permets de faire la transition, puisque de nouvelles espèces protégées ont justement été découvertes sur le tracé du projet de déviation de RN88 que vous représentez via la lutte des SUC, Stop RN88, ce projet de 2x2 voies. Alors justement, moi je voudrais juste faire transition aussi avec le fait que souvent, les victoires donnent lieu à des créations d'espaces protégés. Alors c'est pas encore le cas pour la lutte des SUC, mais pas très loin de chez vous. J'aimerais juste faire référence à ce qui se passe en Haute-Loire, puisque nous sommes dans le 43, et vous avez participé à cette fameuse ascension qui est désormais habituelle du 30 août, par le haut représentant là-haut de ce département, et que, par exemple, en 89, il y avait un projet de route et de parking sur le sommet du Mont Mézin, et qui, n'a pas abouti, et c'est tant mieux, et qu'en 97, justement, ce massif a été classé site naturel protégé. Donc il faut le dire aussi qu'il y a aussi des petites victoires et que parfois la transformation est plutôt très très positive. On vous en espère de même pour ce projet de 2x2 voies qui, alors justement, là aussi, la moyenne de durée des luttes est de quand même de 8 à 10 ans, il faut le préciser, pour les projets un peu d'ensemble, parfois bien plus. Hein. Moi je pense localement au projet A45 par exemple, ce projet d'autoroute, on n'en est peut-être pas sorti, mais... Pour le 2x2 voies, c'est justement un projet qui date de 97, abandonné en 2007, relancé par justement Vous voyez qui je veux dire. En 2019, on va éviter de faire trop de promotion en cette période de pré, vous savez. Donc, la lutte des sucs, Nathalie. Je vous laisse présenter et actualiser le projet et la lutte. Ah oui, la lutte des sucs, en effet, elle a démarré en 2020. Nous sommes un collectif, on n'est pas une association. Comme tu l'as dit, pour faire court, c'était un vieux projet, aménagement de l'axe Lyon-Toulouse en 2x2 voies pour désengorger la vallée du Rhône. En 97, donc déclaration d'utilité publique, je ne sais combien de gens de terres expropriées. Et c'est une nationale. Et en 2007, l'État abandonne le projet. Trop cher au niveau de l'environnement. Alors, pourquoi on s'appelle la lutte des sucs? Il y en a beaucoup, je pense, qui connaissent la Haute-Loire. Et dans l'Issingelais, dans le Velay, parce qu'on a une partie, on a les sucs. Ce sont des protubérants géologiques qui sont rares. Il y en a sur le territoire, là, tout près de chez nous. Il y a le Hogar algérien et chez nous. En Europe, il n'y en a pas ailleurs. Donc c'est vraiment... Mais il n'y en a pas ailleurs dans ce nombre-là. Il y en a plus d'une centaine sur quelques kilomètres carrés. Et donc très cabossé, l'État abandonne le projet. Voilà, entre-temps, les paysans, bien sûr, même si ce n'était plus leur terre, ils étaient expropriés. Ils ont pu exploiter leurs terres. Et puis en 2007, nouveau président de région, qu'on connaît tous ici maintenant, qui est un ancien président de région, mais qui a quand même pas mal encore les ficelles, lance le projet. Il faut savoir que la Haute-Loire, c'est ses terres électorales. Et puis cette route, il l'avait promis, on nous l'avait promis. Alors c'est compliqué parce qu'en Haute-Loire, c'est très clivant ce projet de route. Parce qu'en fait, il a été aménagé quasiment tout jusqu'au Puy-en-Velay. Et il reste 10 km qui sont entre le village où nous habitons. Nous sommes trois représentants. Et donc deux villages, et c'est le col du Pertu pour ceux qui connaissent, et c'est pour ça que c'est cabossé, parce que le col il est à 1000 mètres, il y a un gros trou, et puis après on reprend une 2x2 voies. Et entre ce trou, il y a tous ces sucs, il y a la forêt du Mégal, il y a énormément de sources, voilà. Et donc le projet a été repris, et le tracé qui a été choisi à l'époque, pour des histoires politiques, je vous fais court, est le plus coûteux au niveau de l'environnement, et le plus coûteux au niveau argent. C'est-à-dire que là, on va engloutir, d'après la région, mais nous, d'après nos calculs, c'est pas ça, c'est au moins 226 millions d'euros d'argent public de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire, nous sommes tous concernés, c'est de l'argent qui ne va pas servir à la culture, au transport en commun, entre autres, aussi. Et il y a plein d'autres choses. Voilà. Alors, en 2020, s'est lancé le projet, et puis, on est quelques-uns, collectif. On monte ce collectif. Alors nous, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu, mais par contre, ce qu'on a gagné, c'est que ça devait être fini en 2025, et ça n'a pas commencé. Voilà, alors, il y a eu un défrichement. Alors, je vous avoue qu'en ce moment, on n'a pas trop le moral, parce que ça n'a pas commencé, mais ça risque de commencer quand même, parce que... Donc il y a eu, 100, alors pour faire 190 hectares, 25 hectares de zones humides, 80 hectares de terres agricoles expropriées qui vont passer sous le bitume, 60 hectares de forêt pour 10 kilomètres. France Nature Environnement, qui porte en justice le contre la route, disait que n'a jamais vu un tel projet. Il y a 110 habitats d'espèces protégées qui vont être détruits. Donc c'est un truc pharaonique, 226 millions d'euros pour 10 kilomètres. Sachant que ces 226 millions d'euros, ils ont été calculés il y a, en 2019. Donc évidemment, il y a eu l'inflation, il y a eu tout ça. Ils ont déjà dépassé sur le peu qu'ils ont fait. Donc ça va coûter bien plus. Au moins, franchement, on parle du double. Alors peut-être que 400 millions d'euros, mais c'est énorme pour 10 kilomètres. Pour faire quoi? Pour gagner 3 minutes, ça c'est Dixit, monsieur le préfet. 3 minutes de trajet. C'est pas 20 minutes, c'est 3 minutes de trajet. Et pour sécuriser un tronçon de 10 km. Sauf que nous, on a des alternatives. Il y a plein d'autres moyens de sécuriser. Ensuite, au niveau de l'accidentologie, les chiffres avancés sont faux. Parce que les chiffres avancés, ce sont une autre portion qu'on n'a jamais contestée, qui est sur Issingeau. Voilà. En 20 ans, malheureusement, il y a eu 3 morts. Et dans les 3 morts, c'était des prises de stupéfiants et d'alcool. Donc à 2x2 voies, ça fera malheureusement pareil. Donc c'est un mauvais argument. Par contre, un argument, c'est de faire travailler le bâtiment du BTP, ça on le sait. Et pourquoi on ne gagne pas plus de temps? C'est qu'actuellement, il y a 8 km et cette déviation va faire 2,5 km de plus. Donc deux fois deux voies, 2,5 km de plus. Et comme tu l'as dit dans le film, nous, ça va couper un territoire. Ça va couper la Haute-Loire. Il y aura la Haute-Loire sud, la Haute-Loire nord. Voilà, ça va vraiment couper le territoire. Et au niveau de la faune, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une zone, il y a très peu d'habitants. Enfin, il y en a assez, nous on y habite, d'accord. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais il y a quand même beaucoup plus d'espace. Voilà, alors on lutte, alors on a posé des recours en 2020. On a perdu le recours suspensif quand ils ont commencé à défricher. Ensuite, il y a eu le recours en justice a été porté. Il a été prononcé en décembre 2024. Nous l'avons perdu. La seule chose que nous avons gagnée, et c'est pour ça qu'on a encore gagné un an, c'est que, en fait, le tribunal a demandé à ce que les mesures de compensation déjà soient augmentées, vu qu'il y avait quand même 110 espèces d'habitats protégés, que depuis notre lutte, comme tu l'as dit, grâce à des naturalistes, il y a eu 4 autres espèces qui n'avaient pas été répertoriées, donc il a fallu augmenter les mesures de compensation. Et surtout, puisque l'ancien président de région est très fort, il a le bras très long, on va le dire, eh bien, il avait réussi à faire prononcer par le préfet une autorisation de faire cette route, même si les mesures de compensation n'étaient pas mises en œuvre. Ça, c'était une première. C'est-à-dire qu'on a le droit de commencer la route, même si les mesures de compensation n'étaient pas établies. Donc ça, quand même, le tribunal, il a dit non. Il a dit, il faut faire les mesures de compensation. Comme elles sont énormes, 190 hectares de mesures de compensation, ils ont quand même dit qu'il fallait que ça soit par tranche. C'est-à-dire que là, ils vont commencer un viaduc. Donc, il faut que les mesures de compensation autour de ce viaduc, enfin, par rapport à ce viaduc, soient faites. Voilà. Donc, on n'a pas gagné, on a perdu, mais on a gagné ce truc. Du coup, ça a encore reculé d'un an. Au lieu de commencer en 2025, normalement, ça commence en janvier 2026. Voilà. Et nous, ça a été super dur d'organiser une occupation du terrain. Là, on regardait les luttes, parce que c'est 10 km linéaires, donc on ne peut pas faire de ZAD. 10 km linéaires, ça a été compliqué. Ensuite, on a un territoire, et ben c'est pas facile la nuit, l'hiver. Et nous, le chantier a commencé au mois de janvier. Donc ça a été super dur de rassembler. On a fait partie du premier acte 1 des soulèvements de la terre. Personne ne connaissait les soulèvements de la terre à l'époque. Mais on a fait quand même un événement, on a été 1000 pendant 3 jours, un week-end. Voilà. Et donc là, en ce moment, c'est un peu le status quo. On ne voit plus beaucoup. Il n'y a pas d'événement de lutte des sucs parce qu'il n'y a pas non plus d'événement vraiment. On a eu un événement phare qui a été qu'on a reçu les naturalistes des terres. On a reçu l'Assemblée générale des naturalistes des terres où Vincent était présent. Il y a 130 naturalistes des terres qui sont venus de la France entière et qui ont fait un catalogue. Voilà. Donc ça, c'était très important. Justement, naturaliste ouais. sur le site. Voilà, ça, c'était super important. Tout ça pour vous dire que c'est qu'à 60 km de là, que c'est votre argent, c'est notre argent. Déjà, sans en parler de lutte, que nous, on manque évidemment toujours à chaque fois qu'on avait un événement. Nous, on a essayé de se mettre devant les pelleteuses. On n'était pas bien nombreux. Nous étions qu'une vingtaine, trentaine ce jour-là. Parce qu'évidemment, ça se décide. Il y a les pelleteuses qui arrivent. Il faut se bouger entre ceux qui travaillent et tout. 5 de nos camarades se sont retrouvés au tribunal. Voilà, et on n'est pas super armé au niveau justice, on n'a pas énormément non plus d'argent de frais judiciaires. Donc voilà, comme l'a dit Vincent, c'est vrai que des fois on peut être déprimé, donc il y a aussi le moyen d'aller souffler, de regarder ce vivant. Puis l'autre moyen, bah, c'est de lutter. Lutter avec eux, lutter parce que je pense qu'autrement c'est vraiment déprimant de rester dans le canapé. Voilà. Donc il y a des luttes, nous on connaît bien ceux du Forest parce que la lutte des su qui va, évidemment Extinction Rebellion est venue, mais je pense que voilà, il faut pas rester comme ça. Et puis là, bah, ça va repartir, mais il y a que des arbres qui ont été arrachés. Nous pour l'instant, il n'y a aucune pelleteuse qui a tout arraché, c'est-à-dire que tout pour repousser. Voilà. Quand ils ont repris la terre arable, ça va être plus compliqué, c'est vrai. Voilà. Il y a des patates qui ont poussé un peu. Oui, il y a des patates. J'ai pas dit, ça va être trop long, toutes les actions. Alors, si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas le truc. Lutte des sucs, c'est facile. On est sur Asta, on est sur le Facebook, d'accord. Et puis, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Et puis, on a beaucoup de réseaux. Enfin, on balance beaucoup nos infos. Et puis, bien sûr, on est au Soulèvement de la Terre. On fait partie de cette association. Et pour la dernière, je dirais aussi, actualité, je crois que c'était cet été où il y a une enquête publique qui a été Ah oui, alors parce qu'en plus... Et qui, à nouveau, juste en majorité ouais. quand même, a été défavorable et oui, au projet. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'ils ont commencé la route alors qu'ils n'avaient pas la maîtrise foncière. Il leur manque 14 hectares. Alors à l'époque, il leur manquait 50. En faisant le forcing, il faut le dire, hein, sur les paysans et les terres, ils ont réussi à l'amiable à récupérer. Et il y a 14 hectares d'irréductibles agriculteurs, parce que c'est des agriculteurs. Hein. Et là, du coup, ils ont été obligés de faire une DP. Mais ils ont commencé à faire 3 ouvrages d'art, alors qu'ils ne savent même pas s'ils ont le droit de faire la route. Ils n'ont pas la maîtrise foncière. Voilà. Bon, alors il y a ce qui se passe sur place. Nous, c'est très compliqué aussi, parce que c'est très clivant dans les villages. Et ça, c'est pas marrant du tout aussi de vivre là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, et merci à vous. On voit aussi la convergence, malgré tout, entre vos différentes actions et organisations. Mais on voit au travers du film aussi, on voit bien ces mêmes finalement schémas hein, qui s'opèrent. Où des travaux sont engagés alors qu'il n'y a pas encore d'autorisation ou autre, on voit bien, et ça a été entendu, une élue à un moment donné pousse ce coup de gueule qui est assez terrible, où on tue finalement, et là, bah oui, on peut y aller. Et c'est un peu ce même schéma qui s'applique de façon un peu systématique et qui joue aussi sur, bien sûr, le temps long et l'épuisement. Et une des tactiques dans cette diversité, je dirais, de modalités de lutte, d'action, de résistance, c'est aussi ce que l'on nomme souvent ce militantisme de dossier, finalement, qui est d'avoir ce travail de contre-expertise, de travail juridique, de recours juridique, de suivi d'enquête publique et autres, et qui n'est pas souvent très simple que de mener ce travail administratif et législatif. On va laisser la parole d'abord à la salle, et puis aussi à Vincent. Mais ça me permet juste, peut-être aussi, pour faire transition, Vincent, avant que le micro circule dans les salles, n'hésitez pas à faire appel à Raphaël, Émilie, pour les micros ici qui vont circuler, et préparer vos questions. On va prendre quelques questions groupées, 2-3 questions que l'on va poser ici à la Vincent, mais aussi tout le monde ici en salle. Et on tentera de vous répondre. Mais juste, petite transition, puisqu'on évoquait la lutte des sucs, concerné justement et illustration au travers de la lutte que tu représentes peut-être au mieux, Vincent, parce que tu nous proposes ce panel hein, de luttes diverses et variées que tu suis depuis des années, mais celle qui te concerne de près et de proximité géographiquement, c'est ton village. On assiste à une victoire, mais une victoire qui n'est qu'éphémère finalement, puisqu'à nouveau, là, l'actualité toute récente démontre que, bah, à nouveau, les choses peuvent se renverser et que ce n'est pas gagné sur la déviation ouais. également de Saint-Péret. Ouais, exactement. Et en même temps, on a gagné un an aussi de la même manière. Oui, on gagne du temps. Ouais. Et c'est sûr que l'espérance de vie d'un blaireau, c'est 5 ans. Donc il y a un cinquième de la vie d'un blaireau qui est préservé là. Donc c'est, moi, je suis déjà super content. Et puis, en gros, il y a eu un petit passage en force là où ils ont cherché à raser un bosquet de manière à commencer les travaux de passage sous une voie ferrée. Mais tout ça, c'est pas le cœur du sujet en réalité pour nous parce que l'enjeu dans la lutte de ce village qui pour l'instant est contre 1,5 km de route, donc c'est vraiment tout petit, mais en fait il y a un gros rond-point au milieu de cette route et ils disent que c'est pour faire joli quoi. Et nous on dit bah non, c'est probablement pour créer le grand contournement de Valence et de après ça pouvoir artificialiser toute la plaine du Rhône. Et donc c'est pour ça en fait qu'on veut empêcher ce 1,5 km de route parce qu'on sait que la route est toujours le front pionnier de l'urbanisation et que nous on veut préserver ces terres agricoles, d'autant que maintenant on a la Confédération paysanne qui a la chambre d'agriculture d'Ardèche et qui dit mais vous êtes des oufs en fait nous en Ardèche on a que 3% de terres agricoles plates et vous voulez la bitumer. Donc on va pas faire ça en fait. Donc là, en gros, on est en train de mener une bataille qui remporte. Enfin vraiment, voilà, il y a des batailles, il y a des défaites temporaires, mais le jeu qu'on est en train de jouer est vraiment sur un temps long. Tu parlais de 8 années pour remporter une victoire en moyenne. Là, on est à 4 ans, donc dans 4 ans, on gagne quoi. Ben oui. Et puis il faut le dire, il y a des victoires, il y a le travail d'une sociologue qui a recensé les victoires sur une décennie, 2014-2024, et qui a recensé quand même 162 ou 64 victoires locales. Donc voilà, il faut aussi garder espoir. C'est Gaëlle Roncin, cette sociologue, qui a travaillé sur ces questions-là. Je vous propose de prendre quelques questions, 2-3 questions groupées, et puis adressées ici aux personnes présentes. Essayez de assez concise et la plus courte possible, et puis on tentera de vous répondre au mieux. Oui, bonsoir. D'accord. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Miour. J'arrive tout droit de Madagascar dans le cadre d'une visite d'échange, effectuée, organisée par le CCFD. Donc déjà, je tiens à vous dire bravo hein, pour le film, parce que vous avez su mettre des images sur des choses, peut-être qu'on savait déjà, mais qu'avec les images, tout devient plus concret. Et c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'émotions, la tristesse, la colère, et j'avoue que moi, ça me parle beaucoup, parce que déjà, pendant les 10 jours que j'ai été en France, j'ai pu faire la connaissance des membres de la Confédération paysanne qui ont eux aussi participé aux manifs. Et je me sens très connectée parce que, voilà, à Madagascar, il y a, les cas comme ça, c'est à l'échelle mondiale. C'est ce qui est grave, c'est à l'échelle mondiale. Et à Madagascar aussi, on lutte beaucoup contre la construction d'une autoroute en ce moment, et il n'y a pas eu de consultation publique, c'est tout de suite expropriation des paysans, alors qu'à Madagascar, c'est 80% de la population qui sont des paysans, et tout de suite, ils ont remblayé les rizières par de la terre rouge, pas de compensation, rien, et voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et d'un autre côté, par rapport à la coupe rase, ça m'a vraiment aussi touchée, parce qu'à Madagascar, c'est arrivé, et déjà depuis il y a très longtemps, en fait. Madagascar, comme vous le savez, c'est une des anciennes colonies françaises. Donc là, pour alimenter les trains à vapeur à l'époque, pour transporter la matière première exploitée à Madagascar, ils ont dû faire coupe rase sur une centaine d'hectares de forêt à Madagascar pour y planter des pins, des arbres à croissance rapide, juste pour alimenter les trains. Donc pour nous aujourd'hui, c'est une des conséquences les plus graves par rapport à ça. C'est des conséquences écologiques énormes, parce que le sol, il est de moins en moins fertile, asséché. Voilà. Alors c'est une catastrophe. Mais en tout cas, c'était pas vraiment une question. Mais merci pour témoignage. Un partage, parce que c'est aussi dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui, et je souhaiterais que ce film soit vu par le monde entier, parce que voilà. Merci beaucoup. Merci du partage. Merci. Parce que partager, c'est sympa. Bien sûr. Il y a eu une avant-première à Madagascar, ouais. Mais il en faudrait plus, ouais. Oui. Autre question ici. Merci pour le film. Je trouve ça super qu'on soit aussi nombreux, mais c'est au Méliès, avec des gens, on est peut-être assez convaincus. J'avais une question pour Vincent, je voulais savoir si tu l'avais proposé dans des endroits, je pense au Salon des maires de France, à l'Assemblée nationale. Et ça doit être plus difficile, j'imagine, de le faire projeter dans ces endroits-là, mais comme il y a une approche sensible, j'imagine que les hommes, les femmes qui sont à ces postes-là de responsabilité, qui ne sont pas faciles, parce que vous parliez aussi de comment ça peut cliver des populations. Voilà, donc est-ce que tu as essayé de les proposer dans des endroits plus difficiles? Est-ce que ça a été accepté pour ça? Ouais. Ben là, il est passé à Castres déjà, et du coup, les pros à 69, ils voulaient l'empêcher. Dans la balade aussi qu'a fait l'association Canopée Forêt Vivante, là, ils ont eu tout un bus où ils traversaient les plateaux forestiers, et il y a eu des forestiers qui se sont activement plaints du film, disant que c'était un scandale qu'un tel film existe, etc. Donc ça crée les opposants en entendent parler, ce qui est bon signe. Je sais aussi que dans une salle de cinéma, il y a au moins un cinquième des gens qui ne me connaissent pas du tout, qui ne connaissent pas du tout mon travail, et des fois qui ne sont pas du tout, même qui ne se reconnaissent pas comme étant écolo, et que malgré tout le film les touche. Ça, j'ai beaucoup de retours comme ça. Et moi, après, j'ai un peu de l'impatience de voir qu'est-ce qui va se passer le 6 novembre, le moment où je le mettrai du coup en ligne sur ma chaîne YouTube, parce que ce moment-là qu'on a vécu, c'est volontaire que ce soit un moment collectif, y compris entre convaincus. Pour moi, c'est pas du tout dépréciatif. On a besoin de ça, en fait. On a besoin de se raconter. On a besoin d'être digne, d'être fier et de vivre ces moments collectifs. Et c'était l'intention aussi de cette tournée-là, c'est de permettre ces moments-là. Donc déjà, ça a de la valeur. Et puis ensuite, lorsque le film sera en ligne, j'espère qu'il va faire une sorte de buzz et sortir du cercle des convaincus et d'aller toucher de plus en plus de monde. C'est d'ailleurs pour ça, que le film ne sort pas officiellement au cinéma. C'est pour permettre qu'il soit en ligne gratuitement le plus vite possible. Parce que s'il fait une sortie officielle au cinéma, j'ai l'interdiction de le mettre en ligne avant 2 ans. Donc je voulais pas ça, d'où 370 avant-premières. C'est tout cela fait sens. Ouais. Je crois qu'il y avait une autre question là-bas au fond à droite. Bonjour, merci pour le film. On voit sur toute la première partie beaucoup des animaux et qui sont très difficiles à approcher. Et s'ils sont très difficiles à approcher, c'est parce qu'ils sont intensivement chassés. Et je me demandais, enfin, dans le cadre du vivant qui se défend, pour moi, c'est assez clair que la chasse et la pêche, c'est des ravages phénoménaux, c'est des massacres gigantesques d'animaux sauvages. Et c'est un truc que tu n'abordes pas du tout, c'est volontaire, ça correspond à quoi ? Oui, je ne parle pas non plus de l'océan, je ne parle pas non plus de l'agriculture, il y a plein de trucs dont je ne parle pas en réalité. Mais la chasse, justement, rentre dans ce thème-là complexe et que j'ai envie de bien traiter et que je n'avais pas envie d'en faire un truc de 2 minutes, ce qui était dans un de mes montages, il y avait juste 2 minutes sur la chasse. Et c'était un peu dommage de le traiter comme ça. Pour moi, il y a grave un enjeu à réussir à s'en parler et à parler du coup aussi du retour des prédateurs, dont le loup, dont le lynx. Et j'avais envie de le faire bien, et là, c'était pas directement... ça trouvait pas trop sa place dans le film. Mais dans mon expérience personnelle, ça a été très présent, notamment parce que, suite à mon premier affût, des chasseurs du coin m'ont pris en pitié et m'ont dit « Mais nous, on connaît très bien la forêt, on va te la montrer. » Et ils m'ont emmené découvrir la forêt, et au premier abord je l'ai trouvé comme des très très bons pisteurs. Ils savaient exactement où se trouvaient les animaux, ils savaient même les reconnaître individuellement, etc. Et c'est avec eux que j'ai vu mes premiers sangliers. Mais un an plus tard, lorsque je suis retourné les voir, j'ai réalisé qu'ils connaissaient très très bien la forêt qu'ils chassaient. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas m'indiquer une loge de pique noir ou de chouette, parce que c'est pas quelque chose qu'ils chassaient. Et du coup, il y avait comme un rapport d'usage à la forêt, le leur, qui les faisait passer à côté de, finalement, d'une notion plus d'habitat pour tout le monde. Et donc, voilà, c'est juste un de ces trucs un peu plus compliqués à raconter que j'ai pas mis dans le film, mais qui viendra sûrement plus tard. Merci. Autre question. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci pour le film, évidemment. J'ai une question sur la première image qui est en haut à gauche, je crois que c'est la première image. Une énorme machine qui, personnellement, m'a rappelé le roman ou le film Dune. Et du coup, je me demandais vraiment d'où ça venait, parce que ça montre bien la folie humaine et l'extractivisme, mais j'arrive pas à imaginer où ça peut exister. En Allemagne et en Pologne, c'est les mines de charbon de lignite, qui est vraiment le pire charbon en termes de pollution. Et du coup, j'y suis allé 3 fois dans le cadre des mobilisations qui s'appellent Ende Gelände, où on occupe à plusieurs milliers de militants ces mines, de manière à, en réalité, empêcher qu'ils soient revendus et donc à mettre fin à leur exploitation. Mais c'est effectivement des paysages de Mordor, quoi. C'est à l'infini. Même en drone, j'arrivais pas à montrer l'immensité du truc. Et pour la suite, est-ce qu'on peut avoir une répartition stricte de la parole ? Parce que du coup, moi, je suis un gars. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de gars dans le film, parce que j'ai fait le film avec des images que j'ai tournées sur les 4 dernières années. J'avais assez peu de marge de manœuvre. Et du coup, j'aimerais bien que ce soit plus mix. Et là, je crois qu'on était sur le point d'avoir une 4e prise de parole d'homme enchaîné. Donc, est-ce qu'on peut... Vas-y. Moi, je voulais juste témoigner que justement, j'étais un peu surprise, parce que nous, à la lutte des sucs, c'est les filles qui sont le plus représentatives. Là où on s'essouffle un peu dans les réunions, il n'y a plus que les filles, presque, voilà. Et du coup, mais c'est moi j'ai découvert cette lutte écologique. Alors moi, je suis militante, mais au départ pas spécialement écologiste, plutôt dans l'humanisme. Tu vois, donc un syndicaliste, on défend des choses plutôt anticapitalistes. Et en fait, je me suis retrouvée avec de jeunes femmes, parce que moi, je suis partie de la génération vieille, la lutte des sucs en tout cas, mais je trouve aussi, hein, c'est des jeunes, heureusement. J'ai pas l'impression qu'on peut compter sur nos congénères, nous, notre génération. Et nous, bah justement, c'est très féminin, notre lutte. Voilà. Donc c'était pour te le dire que, voilà. Alors justement, est-ce qu'il y aurait des prises de parole, des demandes ? Désolé, mais je vais faire rapide. Ah, il y a une demande de prise de parole. Il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai aimé ce film, mais une d'entre elles, notamment, c'est qu'en fait, ça pointe bien vraiment quelque chose que je me disais que je perçois de plus en plus, c'est qu'il y a plein de raisons qui font que notre société occidentale se casse la gueule. Mais ça fait un certain temps que je me dis que c'est parce que ça fait un moment, peut-être depuis la révolution industrielle, qu'en fait, on s'est vraiment déconnecté du vivant, quoi. Et on perçoit plus ce qu'on y fait. On est dans des bâtiments, on est dans des voitures, et on voit pas le vivant qui se casse la gueule à côté de nous, quoi. Et pour l'instant, c'est un peu comme un décor de théâtre. On a l'impression que ça tient. Sauf que quand ça va vraiment se casser la figure, ça pourrait être très rapide. Et donc avant ça, effectivement, ça peut contribuer à ce qu'il y ait plus de monde qui rentre en lutte, quoi. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est les images que j'ai vraiment trouvées superbes. Donc je crois qu'il y a vraiment une volonté de au niveau technique de faire des belles images et ça ressort super bien. Et puis moi, ça m'a fait plaisir de voir le château de Creusol, entre autres, parce que je viens de Cornas, un village qui est juste à côté de Saint-Péret. Et ouais, c'est chouette, je connais assez un peu ce qui s'y passait, mais voilà, je vis ici actuellement, et ça m'a fait aussi découvrir des choses. Et ma question, c'est, est-ce que, là, effectivement, on a dit qu'il y a des luttes, c'est pas facile, il y a des moments de haut et de bas, et voilà. Mais moi, j'ai vraiment l'impression quand même que depuis 10-15 ans, il y a ces luttes-là qui se passent, et je suis pas sûr qu'il y a 30 ou 40 ans, c'était le cas. Il y a eu des super luttes, il y a eu le Larzac, il y a eu Plogoff, il y a eu des choses comme ça. Mais des personnes qui, localement, se mettent à lutter contre une déviation, contre une centrale à bitume, contre un entrepôt Amazon, contre... Je suis pas sûr qu'on l'aurait connu. Et le fait que ça y a à la fois, ça rassemble des riverains, ça rassemble des écolos, ça rassemble des radicaux, ça rassemble des naturalistes. Je trouve que ça, c'est cet engouement. Il n'y a pas encore assez de monde, c'est pas toujours victorieux, mais il me semble, et je ne sais pas quelle est ta perception par rapport à ça, que c'est quand même vraiment porteur d'espoir, quoi. Ouais, merci. Je suis complètement d'accord. En réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est créer un mouvement social qui s'ignore encore, qui ne se pense pas nécessairement comme ça, mais c'est le mouvement social des luttes locales, d'un attachement à un territoire qui amène des gens à se retrouver souvent dans une grande diversité politique, des gens très différents qui apprennent à travailler ensemble pour empêcher tel ou tel projet. Et c'est le formidable travail de Terre de Lutte, dont je fais partie, dans le CA, qui s'est donné pour mission de mettre en réseau toutes ces luttes locales, et entre autres de faciliter la création de ces coalitions, les coalitions contre les fermes-usines, contre les entrepôts Amazon, contre les extensions de l'aéroport, contre tout ça. Et ça marche, parce que du coup, lorsque une compétence, lorsqu'un savoir est créé par une lutte, et ben en fait, toutes les autres le savent, et on se file les bons filons, et on monte tous comme ça en compétence, et idéalement, on remporte plein de victoires. Ouais. Donc cet attachement-là, il fait méga sens, et il fait même méga sens dans la montée fasciste en cours, au sens où réussir à s'organiser, à se structurer, y compris matériellement, c'est des savoirs dont on va absolument avoir besoin à l'avenir, et c'est très bien de le faire maintenant. C'est de la préfiguration, et du coup, tout est lié à ce moment-là. Bonsoir, une question là-bas. Bonsoir. En partie... Est-ce que le micro est... Vous venez de répondre en partie à ma question, parce que moi, la réflexion que je me faisais à la suite de ce film, donc merci déjà pour ce beau témoignage, mais je vous rejoins, enfin, on sent qu'il y a beaucoup de moments où vous vous dites que vous êtes un peu dépité, un peu triste, un peu désemparé. Et effectivement, ma question aujourd'hui, c'est de me dire comment est-ce qu'on fait, en fait, pour... Ça rejoint un peu toutes les questions qui ont été posées ce soir. Effectivement, on est ici un peu dans un un entre-soi, puisque on regarde ce documentaire avec déjà un parti pris à la base quand on vient dans le cadre du festival Tattoo Juste. Ici, c'est organisé par il y a une sorte d'entre-soi qui fait que on est déjà convaincu en fait d'une idée à défendre. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour continuer d'y croire? Comment est-ce qu'on fait parce que dans tout ce que vous avez montré, effectivement, il y a 10 ans de lutte, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui reculent, ça crée beaucoup de colère, de désespoir, de tristesse. Et je pense que je fais partie d'une génération où on a envie soit de tout casser, soit parfois de baisser les bras. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour essayer de se fédérer. Donc là, vous étiez en train de répondre un petit peu en partie à ça. Mais c'est une question très globale. Mais j'avais envie de partager ça, même si ce n'est pas très clair. Si, ça l'est, t'inquiète. Merci pour ta question. On fait des affûts, non, pour, c'est ça la solution, Vincent? Justement, ouais, c'est là où j'ai pas envie de dire que j'ai la solution et que s'il y avait une baguette magique, j'aurais déjà utilisé, clairement. Ou ma nièce aussi, ma nièce, elle l'aurait utilisé, c'est sûr. Mais c'est drôle de voir la diversité des réponses, justement. Le pari naturaliste, ça a beaucoup été de dire, il faut connaître les choses pour les aimer, et puis lorsqu'on les aime, du coup on veut les protéger. Mais moi je connais plein de zadistes qui s'en foutent assez en fait des animaux et qui pour autant sont prêts à mettre leur corps sur la ligne pour protéger une mésange bleue que en fait ils ont jamais vue, mais ils sont des terres de fous quoi. Il et elle, hein, sont des terres de fous. Et c'est vrai que du coup il y a plein de ressorts différents. Je pense qu'il y a des réponses. Je pense qu'en vrai le fondement, en tout cas moi qui m'anime, c'est reconnaître qu'il y a une question d'identité en fait derrière le fait de se mobiliser, et que en tout cas moi personnellement je réalise que j'ai vraiment pas choisi de naître à ce moment de l'histoire de l'humanité, que c'est assez inconfortable, et que pour autant j'y suis, et donc il s'agit de choisir quel genre de vie je vais mener dans ce cadre là et je crois qu'aujourd'hui je suis assez libéré de la pression de gagner. Et je suis plus animé par la volonté de vivre une vie digne. C'est-à-dire de... Et je crois que c'est ce que je voulais faire avec ce film, c'est rendre un hommage à des personnes et une manière d'habiter le monde qui, je trouve, est digne et le restera indépendamment qu'on remporte des victoires ou non. Et qu'on puisse se retourner sur ces années-là et se dire, on était au bon endroit. Et idéalement aussi, ce qu'on y a vécu faisait sens et était joyeux sur le moment. C'est un truc que je défends beaucoup, la joie militante en fait, de se retrouver ensemble et de faire de la disco plonge avec un DJ qui balance du gros son, tout en faisant la plonge tous ensemble sur un festival comme Les Résistantes. Je veux dire, c'est des moments absolument très forts. Et puis les moments les plus marquants de ma vie militante était des fois après la mobilisation de la 69, énorme concert, énorme teuf, et en fait on est ensemble et on est fiers et on est beau et on est belle, et en fait je me sens au bon endroit quoi à ce moment-là. Mais la question de l'espoir, je trouve, elle n'est pas décorrélée d'une sorte de métaphore agricole. C'est-à-dire que si par exemple tu as l'espoir de voir pousser un plant de tomates ici, tu n'auras pas d'espoir en réalité, parce que tu n'as rien fait pour qu'il y ait un plant de tomate qui pousse. Mais si tu as la bonne terre, si tu as planté une petite pousse, que tu l'arroses, que tu en prends soin, en fait tu peux avoir l'espoir d'avoir un jour une belle tomate. Et quelque part, en fait c'est comme ça que fonctionne l'espoir. L'espoir, c'est pas un truc qu'on a ou qu'on ressent un jour, c'est par l'action, c'est en se mettant en mouvement qu'on alimente l'espoir, et qu'à la fin on en a. Et du coup, toutes les personnes qui se sentent un peu découragées, j'encourage de ouf à se mettre en mouvement, y compris d'une toute petite manière, parce que c'est ça qui vient réalimenter cette flamme. On prend une dernière et après, hop. Et après, on va arrêter. Je vais essayer d'être courte. Je voudrais un peu rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites. Sur les chasseurs, je pense que c'était très judicieux de pas trop en parler ou de pas en parler du tout, parce qu'en effet c'est un sujet compliqué, et je pense que certaines fois les chasseurs peuvent aider les écolos parce qu'ils connaissent bien les milieux, et qu'en fait il n'y a jamais eu si peu de chasseurs en France qu'aujourd'hui. y en a très peu en fait, et ils tuent pas tant d'animaux que ça, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de chasseurs qui vont chasser sans fusil, enfin sans balles dans leur fusil, et qui vont pour se promener dans la nature, et je pense que des fois, c'est bien justement de ne pas créer de clivage. Alors moi je suis élue locale en Haute-Loire, donc je connais bien le sujet, le clivage, on en a dans tous les villages, et c'est très très compliqué, et donc c'est assez judicieux. Ensuite, je voulais répondre à la dame qui se demandait comment on garde espoir et rebondir sur les résistantes, sur le village de l'eau, sur des endroits comme ça, qui, moi, me sauvent du désespoir quand j'en peux plus des humains parce que je suis désespérée de ce qui se passe autour de nous. Me retrouver dans des endroits comme ça où des gens se réunissent et luttent ensemble, et qu'en fait, il y a plein de manières de lutter. On n'est pas obligé d'être en train de monter sur des pelleteuses. On peut aussi faire à manger, garder des enfants, peindre des choses. Enfin, voilà. Et ça, ça nous ressoude et ça nous aide. Et ma question, c'est, une fois que ton film sera sorti, est-ce qu'on peut le diffuser dans des petits collectifs pour tout le monde? Est-ce qu'il est diffusable, voilà, en lieu privé? Ouais, c'est toute l'envie. Hein. L'envie, okay. C'est qu'il soit disponible pour tout le monde le plus vite possible, ouais, carrément. Dès le 6 novembre, il sera sur YouTube, tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Ouais, ça va être chouette. Et merci pour ce témoignage aussi, ouais, je m'y retrouve vraiment, effectivement, le sens de soin qu'il y a aussi dans ces moments collectifs, quoi. Et pour l'aspect du traitement médiatique, je trouve qu'il est assez, assez intéressant, quelque part, il nous aide sur quelque chose qui a beaucoup traversé dans les 10 dernières années, le mouvement écolo, de quelle serait la bonne stratégie. Et que si on est dans la désobéissance civile, en fait, on dessert la cause parce que vous clivez et du coup, on va vous traiter d'éco-terroriste, donc vous allez pas aider le mouvement et machin. Et en fait, maintenant, même un scientifique qui dit juste on a dépassé la 7e limite planétaire, on le traite d'extrémiste et de toutes sortes de noms. Donc en fait, cette barrière-là, maintenant, elle est abandonnée par effectivement le traitement médiatique qui ne tolère plus de rapport au réel, en fait. Et c'est encore une matérialisation du décollage d'une sorte de fin de régime du capitalisme qui ne peut plus apporter les bienfaits qu'il apportait avant, c'est-à-dire une amélioration de la qualité de vie. L'espérance de vie en bonne santé se casse la gueule. La jeunesse arrive à un taux de dépression énorme et se projette plus du tout dans un avenir serein, ni même dans un avenir capitaliste serein, d'avoir par exemple, de pouvoir acheter une maison au même moment que leurs parents, ça c'est plus envisageable du tout. Et du coup, cette machine ne va pas repartir. Hein. Et pourtant, personne n'est capable de penser sa fin et de planifier sa décroissance. D'où cette rigidification dans le traitement médiatique. Et du coup, moi, c'est pour ça, mon rôle, c'est raconter des histoires. C'est pour ça que j'ai voulu porter ce récit alternatif. Et c'est aussi pour ça que beaucoup des vidéos que j'ai faites, j'ai vécu toute la journée de mobilisation, j'ai travaillé toute la nuit pour sortir la vidéo le lendemain matin, parce que j'avais envie de participer à cette bataille des récits, en fait, et de raconter, de notre point de vue, qu'est-ce qui s'est joué sur telle ou telle mobilisation. Et j'espère que ce film va permettre de nous raconter d'une manière qui nous rend fiers, qui nous rend dignes, justement, et qui donne un espèce de feu interne à chacun, chacune, pour faire partie du bon côté de l'histoire, quoi. Allez, on termine là-dessus. Merci. On va garder ça comme mot de la fin. Ouais. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, d'abord à tous ici et toutes. Nathalie a dû partir. Merci à vous, la salle. Merci aussi, t'as tout juste. Merci, t'as pour l'accueil, juste. Pour l'organisation. Prolongation des débats, des discussions, elles vont être nombreuses lors du Tatou Juste prochain qui aura lieu les 22 et 23 novembre, Parc Exposition à Saint-Étienne. Merci à tous et toutes.